Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Dans le monde du football hier, avec le décès de Don Shula. Don Shula qui est décédé à l'âge de 90 ans. Et on parlait avec notre chroniqueur de la NFL, Tony Guzzo, qui est un gros partisan des Dolphins également. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, gros partisan des Dolphins, est-ce que c'est Don Shula qui t'a fait en sorte que tu es devenu un grand partisan des Dolphins? Ben, ça a été plus Dan Marino. Ça a été plus Dan Marino, puis j'ai appris à connaître Don Shula par la suite, puis j'ai réalisé avec le temps que c'est un grand entraîneur. Il fait partie des top entraîneurs de l'histoire, fait que... Ben c'est lui qui a le record de victoire avec 347, 328 en saison régulière, 347 en... Exactement, il a battu George Halas avec 324 au total. Ouais. Puis Bill Belichick, il est troisième avec 304. Là, je me demande si avec le futur des Patriots, je me demande s'il va pouvoir l'atteindre. Ouais. Donc il faut donner ça à Don Shula. Il est connu pour il a 33 saisons comme entraîneur-chef, dont seulement deux saisons négatives. Là. Donc, il y a toujours eu des saisons gagnantes. Il faut y donner ça. Si on fait un calcul rapide, 347 victoires sur 33 saisons, c'est plus que 10 victoires par saison. Donc, c'est vraiment tout un exploit de sa part. Puis, je pense que ça va être intéressant de voir si un jour son record va être battu. La force de Shula, c'était quoi? On voit un peu les enseignants aujourd'hui, on voit un peu les coachs de sport. C'était un coach qui était vraiment comme sévère à la Scotty Bowman. Il te faisait travailler fort, il avait pas le sourire facile, c'était un old school, mais il était très discipliné. Très technique. Donc, il me fait penser beaucoup à Scotty Bowman du hockey parce qu'au bout de la ligne, c'est seulement les joueurs qui vont te dire « Ouais, il y a quand même un côté doux, ce coach-là, ce Don Shula. » Donc, fallait l'apprendre à le connaître. Puis, il y a une certaine arrogance. En tout cas, il est fier là, depuis la saison parfaite de 1972. À chaque Super Bowl ou à chaque année qu'il n'y avait pas une équipe avec une saison parfaite, ben il faisait un party avec ses joueurs puis il buvait du champagne. T'sais. Ben c'est sûr. Puis, à quelque part, ben, c'est vraiment ce qu'on va garder comme souvenir de Don Shula, c'est sa saison parfaite, la longévité. Mais les gens s'imaginent pas également qu'il était entraîneur des Colts de Baltimore. On dit que c'est Monsieur Dolphins, mais c'était également l'instructeur des Colts de Baltimore. Ouais. Ben, il a coaché 6 saisons. Il a commencé à Baltimore. Puis pour les gens, il était le plus jeune entraîneur-chef à 33 ans quand ils l'ont engagé à Baltimore. Il a fait 6 saisons. Il a connu des bonnes saisons, mais il n'a jamais, je pense qu'il a participé à... il n'a pas réussi à participer au match final. Mais il faut y donner, il est reconnu, malheureusement, il est étiqueté quand même un coach qui gagne en saison régulière, mais ne gagne pas les matchs importants. Puis lui, il a connu le fameux Super Bowl humiliant quand il est allé perdre contre Joe Namath et les Jets, dont la plus grande surprise de l'histoire de la NFL, c'est quand les Jets ont battu Don Shula en finale. Ouais, c'est sûr. Il a connu des hauts, mais il a connu aussi pour des bas. Puis à la fin, dans les années 90, ça marchait pas bien. Il était pas mal critiqué, puis il a été remplacé par Jimmy Johnson là, en 96, je crois. Ouais. Il a connu des hauts et des bas, mais il a quand même il a quand même, c'est le coach qui a quand même réussi le plus de victoires dans l'histoire comme entraîneur. Là. Hier, on se parlait en dehors des ondes, puis tu disais, j'aimerais ça qu'il soit, que le nom de l'entraîneur de l'année dans la NFL porte le nom de Don Shula, puis c'est une très, très bonne idée, j'ai trouvé. Oui, ben Lombardi, il a le don sur le super, sur le trophée du Super Bowl. Donc, il y a quand même, il y a son nom pour l'entraîneur, je pense, amateur ou les écoles secondaires, là, je pense, lors des méritantes. Mais moi, j'aimerais ça, il mérite très bien. J'aimerais ça qu'il donne ce nom-là à l'entraîneur-chef de l'année dans la NFL. Ce serait une très belle reconnaissance de sa part. Depuis son décès, il y a beaucoup de tout le monde l'a apprécié, cette personne-là. C'est incroyable que ce que Don Shula a fait. Malheureusement, il est décédé à 90 ans. C'est la vieillesse qui l'a emporté. Donc, aucune maladie comme telle. Il y avait c'était vraiment l'âge qui a pris le dessus. Là. OK. Dis-moi, si on parlait un peu du classement, tu te places où dans le classement? Ben moi, je suis un peu comme toi. Malheureusement, je ne le mets pas numéro 1. Je le mets dans le top 3. J'hésite entre lui, Bill Belichick. J'hésite aussi. Il y a Chuck Noll avec les Steelers. Okay. Il a fait de quoi dans les... faut pas s'en cacher, là. Il faut que tu gagnes les matchs importants. Ce que Don Shula, dans ses 33 saisons, il a seulement participé au Super Bowl à 6 fois, puis il l'a gagné 2 fois. C'est sûr qu'il a la saison parfaite, puis le Super Bowl de 73, l'année suivante, il avait fait, je pense, c'était 12-2, je pense, comme fiche. Il y avait moins de matchs, là, dans ce temps-là. Mais je peux pas. Il est dans mon top 3. Là. Je mets Belichick, Chuck Noll devant lui. Même un Lombardi de ce monde qui a fait beaucoup. Là. Ouais. Mais je le mets dans un top 3. Là. Dis-moi, sur le sujet, le calendrier va sortir en fin de semaine prochaine. Et on parle le 10 septembre finalement. Non, mais officiellement, la NFL a dit que le calendrier va sortir jeudi, okay. Le 7 mai. Okay. Ils ont prévu aucun changement, donc eux, ils sont confiants qu'ils vont commencer le 10 septembre, puis le Super Bowl à Tampa Bay le 7 février 2021. Ils ont quand même des plans de contingence, là, on parle d'un report en octobre, puis tout ça. Le seul changement majeur aussi qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas de matchs internationaux, donc aucun match en Angleterre ni au Mexique, donc tous les matchs vont être disputés aux États-Unis. La seule affaire qu'on ne sait pas, c'est si c'est des parties à huis clos ou non. Pour l'instant, ils veulent faire 100 millions de pertes. Quelqu'un m'a envoyé un article ce matin. 100 millions de pertes si jamais on dispute des matchs à huis clos. Peut-être qu'on va peut-être 100 à huis clos. Peut-être, au lieu des foules de 110 000, mettre ça devant des foules de 20 000. C'est peut-être une possibilité aussi. Ben, j'invite les gens, il y a de quoi sur l'Internet, là, c'est le Hard Rock Stadium, justement, le domicile des Dolphins. Okay. Ils ont préparé un plan de respect des mesures par rapport au coronavirus. Ils parlent de, s'ils veulent tout respecter les mesures de distanciation, tout ça, ils parlent de, pour un stade comme eux, ils accueillent 65 000 personnes. Ouais, 15 000 à peu près. Donc, ils seraient capables d'accueillir 15 000 personnes. Ils ont tout modifié dans les points de contrôle. Ils parlent d'une sortie. Ils parlent de sortir les spectateurs à la fin comme à l'église, comme une rangée à la fois. C'est vraiment, ça a l'air qu'ils vont être comme certifiés, puis ils risquent d'être un modèle pour les autres stades. On verra ce que les autorités fédérales vont dire à ce niveau-là s'ils veulent avoir du monde. J'ai bien hâte de voir ça, mais la NFL aime ça faire un show. Ça a l'air, NFL Network, une émission de 3 heures pour dévoiler le calendrier. Oui, là, des analyses, des suranalyses. Oui, les prédictions déjà. Mais ça, on est habitué au Québec là, avec des analyses avec les Canadiens. Là, puis, Tony, on s'en reparle quand l'actualité de la NFL va l'exiger. Parfait, bonne journée.